vos sexes moisis. Je veux remplir vos veines avec le port de ma lèvre, délabourer la chair de vos croyances froides. T'as pas d'humanité, imbibé de salive. Nous la verrons périr sous des pluies vomitives. Gouvernement humaine est nuée destructrice. Et nous ferons goûter la mort et ses délices. Il reste de mes diables qui s'écrase et se plaint. Ne mérite pas d'aller au bout de son destin. Allume-moi un brasier dont la sonde excitante nous délivre à tous des passions suffocantes. Allume-moi un brasier dont la sonde excitante nous délivre à tous des passions suffocantes. Pourquoi es-tu si méchant? Je suis pas méchant. Arrête de perdre ton temps. Je perds pas mon temps. Tu ne pourras pas changer les gens. Je vais pas donner les gens. Je suis pas méchant. Arrête de perdre ton temps. Je perds pas mon temps. Tu ne pourras pas changer les gens. Je peux pas changer les gens. Et tu fais peur aux enfants. N'insiste pas.